L'Hippocras. Origine de l'Hippocras. L'Hippocras est une boisson à base de vin dans laquelle macèrent tout un ensemble d'épices, dont de la cannelle, du gingembre. Le miel est éventuellement utilisé selon la recette, en plus ou moins forte quantité, pour adoucir la boisson et lui donner un goût plus agréable au palais. Les origines historiques de l'Hippocras restent mystérieuses. Certains les font remonter à l'Antiquité, et attribue le breuvage à Hippocrate, d'où son nom Hippocras. Il semblerait que la recette de l'Hippocras ait été redécouverte par les Occidentaux du Moyen-Âge, lors des croisades. La recette de l'Hippocras médiévale. Les premiers textes faisant mention d'une recette pour l'Hippocras remontent au XIIIe siècle. Il existe une multitude de recettes, chacun y mettait les épices qui correspondent à son budget, ou à la facilité qu'il avait à se les procurer. Si le sucre existait et était utilisé parfois, le miel le remplaçait le plus souvent, et à mon avis avantageusement. La recette que nous vous offrons de l'Hippocras n'est qu'une variante parmi tant d'autres. Ingrédients. Une bouteille de vin rouge au choix. 100 g de miel, 30 g de cannelle en bâton, 60 g de gingembre frais, 10 clous de girofle, 10 gousses de cardamome. La recette. Versez le vin et le miel dans un récipient. Broyez les épices et les mettre dans une toile que l'on noue. Mettre la toile contenant les épices dans le breuvage et recouvrir. Laissez macérer au moins pendant 4 heures. Retirez la toile contenant les épices et filtrez avant consommation.